Le mariage de Madame Grignard Régine, née en 1913 à Antine, résidant Mont-Comblet, journalière, commerce d'épicerie et vendeuse ambulante de muguet et jonquille 2 mois par an. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs de Chêne et Mikils. Il faut lire que les bois à 7 heures, là vous êtes. Mais seulement papa lire travaille, il y a lire que les femmes y allaient toutes les semaines. Il avait une vie marchande de légumes, ça redevient une vie brévurie. Et il avait une chérette, avant de vous, elle en allant 3h30 au matin, voulait le boss pour les puertés et pierrues. À la vie Marie Cosac. Elle y a eu des années. Et nos autres petites, on les suivait, avec nos parents. Quand on allait à l'école, eh ben on allait faire muguer. Et puis, ah non. Ça rouvit, mais des années, je m'ai marié, j'ai amené le maréchal, on a fait commerce, j'avais un magasin. Magasin de fleurs? Non. Nani. Oh non, je faisais venir de fleurs, hein. J'avais épicerie, j'avais une honnête, j'avais tout à fait, Charles. Ah. Hein? Et mieux, mais c'était Marjo. Tu es Marjo. C'est ça. Et Charles Acosté, c'était le fouet. Mm-hmm. Ça fait un dimanche, on avait tous les becs, on avait le dimanche, pour les pâtisseries, tout ça, là, il y avait des pâtisseries, les dimanches. Et on dit, mais il y a des voisins qui sont venus mourir, Charles. Ça, c'est une belle blague, si tu l'as accosté. Et il avait une misère. L'homme avait le tuberculose, qu'il a surfé. Il n'a rien ordé. Hein. Il avait 2 enfants, il avait une misère, il travaillait finalement. Et il dit, je veux aller courir, mais c'est parce qu'il y a mieux que des stèles. Il m'a dit, ça fait. Il dit, mais il y a des nez, venez là et vous. Non, ne voglio mica, se mi ho mai un craput che non vorrei bottire, che già ne va a fusel, non ho sale per comprare, a pia, non avevo ni vettura, ni motore, non avevo niente. A fe, non ho mica, mai non avevo, non ho più mica. E mi ho abituato. Non sapevo più, di tuff, non avevo cose in pausa. A fe, non è possibile, dice, ma se sta lì, c'è un freddo di sangue, vende mica, dice, ah, io vuoi ben credere che vende mica, non è situato, se vende lì, non è più che va, dice. Ah, beh, je veux rebailler les minutes, je veux rebailler 20 000 dollars de sang, monsieur. Peut-être que vous avez un peu payé, un peu de fief, un peu de fief, un peu de crédit. Ça fait. C'est pas sûr, il faut recueillir les minutes encore, il faut recueillir les minutes demain. Mais c'est des huissiers verts pour bien mourir sur le magasin. Elle m'a appelé, elle a dit Stel, elle m'a appelé, pourquoi elle vient là. Fait que je lui ai dit, elle a studé à quoi, elle me l'a dévoué au muguet. Il fallait le porter à l'île, j'aurais fait tous les bouquets, tous les petits bouquets. Nous faisons un bouquet, 10-14 heures au matin. Nous avons bien 2 bosses de fleurs, j'avais coupé toutes les journées. À faire. On avait vu ça, il s'est mis et l'homme, qu'en avant, on a demandé un taxi à poussure, avec 2 grosses bosses. Et il n'a même pas le 1er train au matin. Mais quand nous arrivons là, on faisait finir marquis, c'est le mort de la, les dieux de l'Ascension, et on faisait finir marquis aux fleurs. Et je sais que pour vous, il va marcher, mais j'avais rouvi. Non, je garde en fil des bosses de fleurs. C'est bien que vous dites. Je vais les porter à mon maman, je vais les aller mettre là, vous dites. Et je reviens à marcher demain matin, tant qu'elle n'est allée aller dire quoi, je vais le dire à mon maman. Non, elle est ma maman, 2 bosses de muguet, non, elle est là, pour aller, elle est ma maman. Et elle est morte, elle est donc, ça fait. Pour t'aller le muguet, mon maman. Et il est mettre là, vous. Elle l'a dit, mais on sera vive dans le vide, elle va se faire, mais on sera vive pour bien que ben, comme ça, on va faire 2 siècles, hein, sera vive. Voilà, 2 heures et demie, il y en a une fenêtre. Tout d'un coup, ah, vous savez, le taxi, dit ça, mais c'est un bon titre. Tant que même on n'a que très, je les bosse des muguets. Il avait eu quand on les muguets. Tu casses, fait. Allez, c'est fait, je vous vois, muguets, dit-il. Avant, muguets, qui vous pouvez faire, ben, il n'y va plus. C'est parce qu'il avait l'attente des mains, dit-il, sinon on aurait mis tout à fait. Il aurait mis tout émousse, dit-il, pour les rimes. On a vu donc pas eu deux pour le taxi. Tu dis, mais non, impossible, tu as les muguets, on court après, n'a qu'il n'y a qu'il va. J'y vais jusqu'à l'antenne, parce qu'il y avait une quinzaine qui allait, il ne s'y vendait plus les muguets, parce qu'il y a un atelier trop pauvre, dit-il. Et où ça allait? Ah ben nous autres, nous avons une femme qui nous les prend. Mais on marchait, on courait pour le nav, et il n'a pas le vent. Mais il avait juste sur le marché aux légumes, il avait juste sur le marché aux fleurs. Et les légumiers, ils volaient un an, ils demandaient toutes les baraques. J'ai dit à la femme, et bien ce que nous allons faire, nous allons refaire les bons, mais les muguets. Il fallait les remettre avec l'éléon. Nous les allons remettre tous les léons. Et comme fait, pour le temps, ils aiment quoi. Et non, on est allé, j'ai dit, nous n'irons pas le 1er train au matin. C'est bien qu'on a même des stalles qui me rendent des coques, mais c'est plus près. Les mamans d'aller. Allons là, on a nous les, mais nous me rendons les photos. D'accord. On a notre nouveau renne. Et on a les muguets. Et nous ne prenons pas les photos. À 3 heures, nous sommes déjà sur pied. Et nous mettons une plomb de sandons et l'autre à la copette, nous perdons de nos deux. Des rôles de coques, nous allons sur le marché à pied. Rien que nous avons vu, voilà 6-7 femmes, tant que muguets. Oh. Nous, les 20 ans, je suis dit qu'ils étaient dans notre front, 2 ans, juste 2 tirs, elle est 20 ans. Et j'ai dit, attends, si on a des muguets, c'est des chabères, ils te les vont happer. On a vu dans la vie toutes les heures, on a vu dans les foudres. On les touche, non, dit. Mais on n'aura pas nos muguets, à notre front, 2 ans. Donc, elle avait fait une bonne semaine. Tout le monde, on va au muguet, hein, dit-elle. Voir femme, on m'a mis de vous bien, et tiens, tant qu'il vient tout bien, me répondit, mis de vous bien. Et nous avons continué, et j'ai attendu de rester tous les ans. Tous les ans, j'ai resté en muguet. Ça fait les marches à notre. Quand elle est non, elle fait le pire des tirs. Mais sûr, mais quand elle est non, elle s'y fait pareil. Ça fait, j'ai revint un jour, et j'avais trop de muguet. Nous n'avons pas fait tous les busques, nous n'avons fait d'or d'un nut, et maintenant, nous n'avons pas fait de mes bosses. Je dis à mes malheureux de faire crever ainsi. Elle m'a les 20. On va le vendre. Il me le va les 20, mais il dit oui, sinon. Je dis à ce qu'il y a eu à vous. De noiserieux, de noiserieux. Mais non, je lui faisais bien, mais je me passais. Il dit mais c'est un peu gêné. Elle va me lever, oui. Ce qu'il y a eu à vous. Vous avez une voiture, attendez, là, mon cœur. Elle va me lever, il y a une voiture. Mais je suis gêné d'aller de Skyway, je m'arrête là vraiment, je vais aller à Dilbrissen. Je te fais un panier de mugue, mais reste ici bien. Et il y a des femmes qui brillent là, ce n'est pas vrai, madame Beauflure aussi. Mon Dieu, je voudrais me lancer un petit, je ne vais pas le donner, mais si vous qui savez. Dans l'autre curieux, je ne vais pas prendre tous. Voilà une autre qui brille, vous avez des fleurs, madame. Je retourne un petit, je suis un petit, je suis un petit. Et dispoi, j'ai tout dispoi, j'avais un stuque quoi, oui. Et puis c'est un des pulsures qui dit, va vous, mes heures de Dieu, va vous, mes. Tu ne m'as rien, c'est un peu de rue de Dieu. On dit, je sais pas, rien. Et voilà, même, j'ai des heures de Dieu, elle les met. Et mes j'ai tout continué tout de suite. C'est tout dire. Et vous avez fait les gens qui y avaient? Ben, ah oui, devant le temps, c'est plus les filles, les gens qui y ont avaient des voitures. Ils en apprécient, elles. Parce qu'on les gagne, c'est tous les gens qui. Ah ouais. Et vous les avez guéris, oui. Ben, j'y vais à des bouillons, mais à faille, il est venu. Hein? Et ça, je le dis, ça, à Bierroir. Quand on n'a plus à Bierroir, on va à Bouillon parce qu'ils sont plus tard de là. Hein? Et il y a vraiment des gens qui vont là, les guéris. Oui, oh, mais tous les gens qui n'ont rien, c'est de l'y jouer. Ah, pour les revêtements. Pour les revêtements aussi, c'est. Sur le bat, ben, je suis là, ouais. Oui, mais non, moi, c'est après. Hein? Ah. Surtout là, avec quelques enfants de messe, mais il y a des enfants qui n'aiment les vins parce qu'ils ont un petit peu boué la carte d'estrée. Et ils n'aiment les vins, mais ça ne dure rien. Hein. Et vous les avez cuiris toutes les nuits, là, à Bouillon. Toutes les nuits, ah ouais. On ne s'en dit pas fleur de la nuit, hein. Du coup, tu dis ça, si je vais mes 7 heures au matin. Hein. Jusqu'à quelle heure? Oh, du coup, tu devais 3 heures, hein, parce que nous sommes 4, quand tu es mis. C'est ça. Nous faut faire souper, il faut faire manier, nettoyer. Il n'y a rien de fait, il faut faire un bouquet. C'est fini les bouquets. Oui. Il faut faire un bouquet jusqu'à quelle heure, non? C'est tout seul, là, cette heure, pour les filles. Ils vont avoir un homme qui m'a dit de faire un bouquet. Hein, laisse-tu pensionner, il m'a dit. Oui. Bien sûr, c'est tout seul, là, il ne fait plus rien. Vous faites des bouquets des convaincs comme ça? Quand c'est des gens qui du matin du 36, 37 fleurs. Des bons bouquets, c'est des belles bouquets. Enfin. Et vous l'avez à des 40 francs, 50 francs, je ne sais plus. 40 francs, mais 50 francs, mais c'est marrant parce qu'il y en a. Hein. Il faut faire des voix, tu peux en avoir un petit peu. Hein. Ouais. Et puis, il barre, on les a vendus jusqu'à 25 et 30 francs. Hein. C'est des vieilles, comment ça va. Ouais. Quand on a bien court, on les vendait dans un tir. Hein. Et les muguets, c'est par rapport à elles. Les muguets, ils achètent après moi, voilà quelques années que ça ne va plus. Hein. Ils n'en ont pas le fils des mâmes, ils n'en ont pas le premier de maille. Quand ils menaient les trotteurs, on est noyé de fleurs. Elles ne feraient pas le premier de maille pour bien les filles. Mais voilà contre, on est qui n'a plus le premier de maille. Ça ne va plus aux muguets. Hein. Ouais. C'est parce que j'ai le montant pour une pension, mais je suis là. J'ai là deux murs, hein. Pour le montant pour une pension. Non. Ça fait des pains. C'est ça. Mm-hmm. Et vos parents, ils fichent comme mestis, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est là, il fait le pied, lire. Du kan rire, du røkte, du lade la liste les rochers. Et maman, moi, les femmes, moi, je ménagère. Et à ce moment-là, tous les gens, les femmes, les mouillées. Toutes les femmes d'antenne, de 20 ans, dans les papilles d'antenne. Et vous avez fait un pire, avec des tchénas. Et on allait faire le chantant, on allait nous en dégamer, nous autres, encore, et faire le chantant, c'était ça, on allait. Et le copain, on courait pour les campagnes, des petits pasers, et on allait faire muguer, et on rappelait les gros tchénas sous l'eau. Et puis ça, non, c'est de vivre les verrues, les tchergifs, pour les porter à l'île, ça se tchériait. Et puis, il faut arriver 3h30 au matin. Ça fait passer les minutes, ces minutes-là. Et puis, on mettait en vélo, et pour 7h30, je suis déjà tout sur les bouts, fait que j'avais 9 ans et demi. Je l'ai rewardé, parce qu'elle arrivait, elle avait 10 heures, elle. Hein? Ça fait, je l'ai rewardé, quand elle venait, mais j'avais déjà. Ben, écoutez, muguet. Parce que papa n'a pas si on compte bien, vous avez des belles robes. Vous avez des belles solides. On connaît, vous avez des belles robes et des belles solides. Parce qu'on n'avait qu'une robe là, on est, non? Adam, une robe, non? Et je me souviens, mais on m'avait fait des belles solides, puis à l'Alfiès. Mais maman me les avait ressemblées, on me les avait fait des smélées. Mais maman me les avait ressemblées, c'est une des roches, on me les avait bercées. Et j'allais faire le fiesse toute fière, le solide. Hein? Toutes fier. Et oui, qu'on est tapé. Quand vous l'avez vu, oui, il a tout ce qu'elle aime, non. Hein? Mais nous autres, on a les fenêtres ici. Hein? Et maman nous perdait encore à l'île. C'était sur le moment de ses lire. On va dire de ses lire sur le bordel. Il existe en France. On va dire au bordel, là, on est, parce que c'est du tir. Hein? Ah, donc, ben, va être le muguet, non. À 25 et 50 centimes, bien sûr. Hein? Parce que voilà que j'ai 66 ans. Non? Et j'avais 7-8 ans. Ça. Et on en a trois douzaines où le taxi, c'est toi qui en a sous là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ok, là on est. C'est après-guerre. Attendez, je dirais que ça se fait tout de lui après la guerre. Tout de lui après la guerre. Parce qu'elle fait les rapins, elle est du lit, c'est abominable, non? Elle en est profité. Sous qui nazelle, elle fait tel bon s'étire, sans zigoter, il faut qu'elle le voit aussi. Mais un négatif, moi aussi, tu as le verre d'un tout. Et puis, lui, c'est une marchande, je dis que c'est comme qu'elle sont toutes. Les petites échoppes qu'elles ont là, possible. Oh oui, hein, vous plein de liberté tant que vous voulez, mais m'y t'en prie. Ça fait déjà une mille d'espoir ni en cours d'aller, oui. Et 20 sous j'ai pour mes mains. Sur les vouilles. Je ne vais pas qu'il aille, mais c'est trop de peur. Ouais. J'ai dit, j'ai déjà une idée d'aller, mais jamais est-ce que ça se dit, vieille femme là, qui a vu tout l'histoire, elle a vu tout ce qu'il y a. Là, elle a fait sur la tout ce qu'il y a. Et que t'as va vous, j'y a là. Maintenant, je m'en mets tout. Et pendant la guerre, on avait 20 ans à vous? Oh, je dirais que pendant la guerre, on y en a institué. Oui. Oh non, on y en a institué. On avait même un vélo, dans la guerre. On avait eu un avec les filles, on y avait un institué. Non, ça c'est après la guerre qu'il a fait boutique, mais. C'est après la guerre qu'il a fait boutique. Ah. Et on avait des coches à la mort. De quoi? Des muguets et des jonquilles. Oh non, t'as un voisin qui vient après un biscuit pour aller sur le cimetière ou n'importe. Donc, sinon vous allez à Astré et Coïs. Dans le port. Oh non, je ne vois que là, vous m'avez piqué que me gagne déjà. J'en ai des hopers, c'est tout sûr. Et pourquoi là? C'est un bon coin, Astré. Ben, vous avez tout le carrefour là. Il peut voir les voies qui m'ont de mort. Mais c'est ce qui m'ont d'après rue. Ils vont s'oublier. À quelle nuit? Il y a des heures qui sont meilleures que les autres. Oh oui. Dis-nous, fin matin à 12, 22. Mais dis-nous, à quoi 22 plus rien du tout. Quand c'est le dimanche, ils vont au football, ils vont aux courses. Ils vont se dire un 20 ans et puis ils n'ont pas d'aller. Hein? Mm. Non, le dimanche après le dîner, 22, plus qu'au bouquet. Mais gros tué. Hein? Et alors, après 4 heures, on a déjà qui vont à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est un événement de 2 heures pour aller à l'hôpital. Non, ça va être un événement pour et de 2 heures. Quand ils vont aller à l'hôpital. Tout le monde ne prend rien. Hein? Tout le monde, c'est devenu qui est malade qui l'a. Hein? Tout le monde ne prend rien. Et à 6 heures, on n'était plus là, vous étiez arrivé là. De coup, quand ils mènent le mur, j'essaye de les vendre. On n'est qu'à gâter. kunde jag hinna få i. Och när vi träffades av. Det var så jag ville att studera bara. Nej, det var profetur. Så det var del profetur. Det spelade mig om jag var till att vara. Det var chans kring min nöjf. Sen hon gick upp igen så var det. Nej, men på alla fall jag pia och fede jag styr. Jag sa det ju. No, men det ser ju jag där lyssade på ett kål. Det är inte så bra att jag är. För att jag var ju på gerat. Du är inte färdig till honom. Ett sånt är det tot sylen för dig. För ni var ju person. Jag är nog. Jag är nog vad som är mig gärna i redan. Du är inte mitt tot sylen. Jag ville så här. Jag ville så här. Eller kivor eller sängligt. Ja, jag just lyssnade till det slags att det tar sig inte kvar för mig eller mig att jag inte kan vara. Att elven tar sig inte kvar för mig, men på spart min är det ännu. Kom på en bok och du parlade, jag ser på min nåta. Pas jag hade varit ur det här, det är ju en värre när jag går så allt åt sig. Och så kan jag få en ny, lägger något i fori. Men jag inte så precis gör så allt, för jag har plötsligt en över här, det är ju en misal. Så vrej, jag passade ur nu till budgeten och passade ur nu hela. Är det inte mer tid när det är bra? Ah, nu ser jag alla är skulle alla få mig att lägga just då mig. Om jag tänker nu ser jag alla. En av dem är. Du får chefra mig. Du får mig till att chefra. Det är på min mödu skulle jag inte. Självklart. Men så är det på min kivai. För att jag gillar kiv så kan jag plena ur grusal så bon. Le myrtilles sont bonnes et elles vont les opponures déjà. Et qu'est-ce que vous faisiez à vous? Vous les verdez ou vous faites des confitures? Oh oui, mais avant ça, il y avait des myrtilles. C'est pour des oreilles? Des confitures. J'en ai tout fait, j'en ai couvert avec les congélateurs. J'en ai couvert les myrtilles. Elles sont comme 20 litres de copines. Les mêmes affaires. Ça fait, si on mène avec des halses, est-ce qu'il me demande 5 kilos, une autre me demande 5 kilos pour des confitures. On a rapporté qui met pour... Ah ben, du coup, pas payé, mais non, continue. Ah ouais. Continue. Là, il y a le coup allemand parce qu'il sait pas mettre ce que j'ai la tueur. Mais du coup, 10 kilos. Continue. Ah ouais. Parce qu'il y a déjà 3 et 4 kilos l'an passé, il y en avait une. 3 et 4 kilos. À chevron, ça. Il va à chevron, moi, oui. Non, mais il faut calculer vos frais. Les journées qui vont mourir là-bas, il y a la poupille. Non, avant ça, il y a une chose avec le myrtille. Est-ce que vous faisiez de la liqueur de myrtille ou de l'alcool, Nenny? Non. Non. Ce que nous avons déjà vu, mes hommes, je viens de venir que tout est tourné, vous, mais ça avait l'air désalcoolisé. Nous avons des cidres avec des pommes. Des cidres avec des pommes. Mes hommes aiment les peintres sur la fille des cidres. Ah non, nous avons ce que j'ai déjà fait au mur. Parce qu'il voulait mettre toutes les confitures sur le mur. Les fleurs d'orange là. C'est pas succès, non, les fleurs d'orange. Mais ça met toutes les confitures. Ça l'est quand même. Et qui m'a fait ça pour faire le site? Oh mon Dieu, je suis même sous là. Parce qu'on a les livres sales, je n'ai pas mis, mais mon livre est tout lié. Et il fallait les idées gorgées que tu as. Vi mette de leo, av de djupa, men så lyft precis allt ser ut precis alla. Det är så de gör sig i fyr de bavet, att du dig av de gazet, det är så de gör sig. Det är så sen är det så de gör sig. Ja, och vi mette de för du kan kilo sub, du ser på det. Det är det sitt på nu så att ha. Vi har ju det du dig 50 liter. Et pour ça, non, rien n'a pu faire. Les voisins, ça, la même zéco.